Cours numéro 26. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa qad dakhala fima dhakarnah min al-iman billah. الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو تعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذا الفصل الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى ستين مسألة امبورتانت وهي ما يتعلق بالعلو والمعية أي أن الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا دي فيرسي القرآن الكريم وهكذا دي أحاديث دي بروفيت صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إلي أو دسو سي العلي سي الأعلى عز وجل سبح اسم ربك الأعلى هكذا قال عز وجل إذن لوتخو فيرسي وهو العلي العظيم إي بوكو دو آيات كنا إتوجي كثيرا وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. Donc tous ces versets montrent que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. كذلك أهل السنة يؤمنون أن الله عز وجل il est معنا صفة المعية. وتقدم معنا أن المعية على قسمين عامة وخاصة. Et on a étudié plusieurs preuves fi hada. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Min surat al-Hadid. Et Cheikh al-Islam, il a recité huna ce verset. Inna Allah ma'al ladhina attaqab. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les pieux. Fa hadhihi al-ma'iyya al-khassa. Wa qawluhu wa huwa ma'akum ayna ma kuntum hadhihi al-amma. Et tout ça, on l'a détaillé. ولله الحمد قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه إلى آخره نعم قوله وقد دخل فيما ذكرناه أي أديب جليبا شيخ الإسلام رحمه الله إلى بيدهم ادخلنا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه إلى آخره إلى ستة بلزيور صفات هنا قال وقد دخل فيما ذكرناه أي كذلك هذه المسألة الغنطة في الإيمان بالله أي من الإيمان بالله celui qui croit en الله سبحانه وتعالى il doit croire à tout ce que الله سبحانه وتعالى il a révélé comme verset du Coran il doit croire au message du prophète محمد عليه الصلاة والسلام il doit croire أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك قال عز وجل ثم استوى على العرش Donc nu'min, ilman, sans aucun doute, nu'min imanan, qui est fondé sur le yaqin, an Allah, jalla wa ala, il est au-dessus. Thumma, il a cité, rahmatullah alayh, les trois catégories de preuves, de dalil. Qala fi kitabihi wa tawatar an rasoolihi, sallallahu alayhi wa sallam, wa ajma'a alayhi salaful umma. Aïe, on a des preuves du Coran et on en a étudié wallahi alhamd précédemment dans ce livre, dans cette étude de Al-Wasitiyya. كذلك des hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Comme fi sahih Muslim, ayna Allah qalat fi as-sama. An-Nabi sallam qala i'tiqha. Donc ça montre que An-Nabi sallam il a accepté sa réponse et beaucoup d'autres preuves wallahi alhamd. An Allah azza wa jalla au-dessus. « وَهَاكَذَا إِجْمَعُوا السَّلَفِ » L'unanimité des salafs, ils ont tous dit « وَلِلَّهِ الْحَمْدِ » et ils avaient tous cette croyance « أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ » il est au-dessus, subhanah, au-dessus de sa créature. قال علي على خلقه وهو تعالى معهم أينما كانوا. Donc tu as ces deux points importants, ces deux attributs. أن الله عز وجل il est au-dessus de la créature عز وجل et il est معنا et il est avec nous سبحانه. ثم il a cité le verset قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. لماذا لأن on a plusieurs preuves أن العرش c'est سقف المخلوقات. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. Comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, mouqoufan, lakin la hukm al-raf'a, et d'autres adillah qu'on a étudié ensemble. Et celui qui veut certains athar, anis-sahaba, radiyallahu anhum, le dernier chapitre de Kitab al-Tawhid, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il en a cité quelques-uns. عند قول الله عز وجل, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Dans ce même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité al-istiwa, أنه il est au-dessus de son trône, il est au-dessus de toutes les créatures, subhana, ذكر المعية عز وجل, قال وهو معكم أينما كنتم, et il est avec vous où que vous soyez. ثم قال عز وجل والله بما تعملون بصير. Vous avez remarqué que ce verset كما تقدم معنا من كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ce verset الله سبحانه وتعالى au début قال أي avant de citer le معية يعلم ما يلج في الأرض. Et الله سبحانه وتعالى il sait tout ce qui sort de la terre, tout ce qui rentre de la terre, tout ce qui monte dans les cieux, tout ce qui descend des cieux. ثم قال وهو معكم, il est avec vous. ثم قال عز وجل والله بما تعملون بصير, et Allah سبحانه وتعالى il vous voit. Ça nous montre هذا أن مقتضى هذه المعية, et cette معية, le fait que Allah سبحانه وتعالى il est avec nous, ça implique أن الله عز وجل il nous voit, il nous entend et il sait tout. فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله juste après قال, on continue la lecture du mat, وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. فلا يفهم أحد هذا, أي ceux qui ont étudié هذه المسألة et qui suivent les salaf, personne d'entre eux n'a compris أن الله سبحانه وتعالى il est avec nous, أي il est dans la créature. أبدا. وهو معكم, أي il est avec vous. On ne comprend pas qu'Allah mukhtalitun. L'ikhtilat, c'est le fait de se mélanger. Allah Azza wa Jalla est avec nous sur terre. Comme yaqul al-jahmiyya al-hululiyya akhzahumullah. Ha'oula, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. Kadhalik ghulat al-sufiyya, kadhalik al-jahmiyya, kadhalik beaucoup de firaq. Ils prétendent qu'Allah Azza wa Jalla il est partout et ils se basent sur ce verset et ils ont délaissé les autres preuves. Tadkuroun anna le dars d'hier, il était très très important. Fi al-wasatiyya. Al-wasatiyya min al-wasat. Ne pas confondre ce mot avec al-wasatiyya. Al-wasatiyya, c'est par rapport à la ville de Wasit. Une ville qui est fichée. Et Cheikhoul Islam, il a appelé son livre al-wasatiyya par rapport à cette ville. Pourquoi? Il y en a ceux qui lui ont demandé un résumé de la croyance des salafs, ils venaient de cette ville. Il a appelé cette liste-là Al-Wasitiyya, et une lettre pour les gens de Wasit. Al-Wasatiyya, ça vient de l'Wasat, le juste milieu. Al-Wasatiyya, taqaddam ma'ana ams, la voie du juste milieu, c'est en suivant les preuves. Toutes les preuves dans une mas'ala. Si tu veux suivre le juste milieu, dans un sujet quelconque, tu dois suivre les preuves. Amma, celui qui est borné, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, wa yanzur, ويرى من عين واحد فهذا يسقى عيدا بالله. C'est pour ça que al-Jahmiyya ils ont pris هذه الآية وهو معكم أينما كنتم. Ils ont dit Allah il est partout. Et ils ont délaissé tous les autres versets sur les zibat. Ils ont laissé tous les autres versets qui montrent Allah عز وجل il est au-dessus. Pourtant dans le même verset من هذه الآية من سورة الحديد Allah سبحانه وتعالى au début du verset قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إيه كما تقدم معنا يرجت صفة الاستواء. بعضهم يحرف الجهمية يرجت كومبليتمون Thumma ils ont dit, Allah il est partout. Pourquoi? Parce que قال, wa huwa ma'akum, ayna ma kuntum. Le Cheikh l'Islam il a bien précisé, qawluhu wa huwa ma'akum, laysa ma'na dhalika annahu mukhtalitun bil khalq. Limada? لأن الله عز وجل العظيم الأكبر هذه السماوات والأرض c'est des très très petites créatures pour Allah سبحانه وتعالى حتى جاء في بعض الآثار on les a déjà cité ensemble أن السماوات السبع في يده عز وجل كخردل في يد العبد les cieux et la terre dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme khardal, habbat khardal, une chose très petite dans ta main. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'azim kursiyuh comme a dit Azza wa Jal wasi'a kursiyuh al-samawati wal-ard son kursi le kursi c'est le repose-pied mawdi'a qadami al-rahman comme a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et cette parole, Mouqouva la hukmu rafa. Ibn Abbas, il n'a pas dit ça. Hakada, là, la shak annahu, il a pris cette parole du prophète, alayhi sallam. Il m'a directement, il m'a par l'intermédiaire d'un autre compagnon. Al-Muhim, anna kursi Allah azza wa jal, wasi as-samawati wal-ard. Il est plus vaste que les cieux et la terre. Ça, c'est le kursi. Waja'a fil athar, anna al-arsh, il est beaucoup plus grand que le kursi. Le kursi, par rapport au arsh, c'est comme une pièce dans un désert. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du arche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est a'zam. C'est le khaliq. Ce qu'on vient de citer, c'est des créatures. Le kursi, le trône. Tout ça, c'est des créatures. Mais pourquoi dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans la créature? Iyadam billah. Donc, si tu as compris ça, et vous allez voir, et vous allez comprendre mieux pourquoi, Cheikh l'Islam, après avoir cité ça, il a cité les versets. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Pour montrer que certaines créatures, elles sont beaucoup plus vastes que les cieux et la terre. Enfin, pourquoi dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'azim, c'est l'akbar, il est dans la créature. Ah là, c'est min as-safa. Et c'est très très grave. Qala Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Fa inna hadha la tujibuhu al-lugha wa huwa khilaf ma ajma'a alayhi salaf al-umma. Ça c'est un point كذلك très très important. Hier on a cité al-wasatiyya, le fait de prendre toutes les preuves pour ne pas s'égarer, pour suivre le juste milieu. Et كذلك, pour suivre le juste milieu et ne pas s'égarer, tu dois suivre les salafs. Fahvar, fais attention, akhi al-karim, de ceux qui essayent de t'éloigner de la voie des salafs. Al-manhaj al-salafi, c'est le haq. C'est din ou l'islam, le haq. Fais attention, ceux qui essayent de t'écarter de hadha al-manhaj avec des choubahs. Pourquoi vous divisez? Pourquoi vous dites salafi? Pourquoi vous rendez innovateur tout le monde? Est-ce qu'il n'y a que vous qui connaissez la vérité? Ihdar. Al-salaf, c'est eux, al-ta'ifa al-mansoura. C'est eux qui ont secouru hada al-din au départ. Al-salaf, c'est sahaba radiyallahu anhu, et ceux qui les ont suivis. La vérité, elle peut être qu'en les suivant. Donc, suivre ha'oula et s'affilier à eux, c'est une ni'ma. Une ni'ma et on doit être reconnaissant. Et ça ne doit pas nous gêner. Abadan. C'est Ahlul Bida'a qui essaye de faire croire à Ahlul Sunna ou Salafi anna ils divisent. Pourquoi vous choisissez ces noms? Pourquoi vous... La taltafit ila ha'oula. Ha'oula, ils voudraient ton khayr, ils t'encourageraient à apprendre et à suivre l'ilm. Et eux-mêmes, ils le suivraient. Falihada qal wa huwa khilaf ma ajma' alayhi salaful umma. Vu que as-salaf, l'unanimité... Ils n'ont pas compris min qawlihi wa huwa ma'akum an Allah il est dans la créature, il est mélangé avec la créature. Enfin, celui qui dit ça, c'est un égaré. Hada la bud. Satan il contredit كذلك les versets du Coran et les hadiths en contredisant les salafs. Qala wa khilaf ma fatara Allah alayhi al-khalq. Wa hada taqaddam ma'ana. An fitrat al-insan, on avait cité l'histoire de Abu al-Ma'ali avec al-Juwayni quand il lui a posé la question, dis-moi pourquoi, quand on fait dua, on ressent ce besoin de se diriger vers le haut. L'Anna al-Asha'ira, il fait sur l'istiwa par istawla. Et il rejette l'ulou ou l'istiwa. Certains d'entre eux. Abu al-Ma'ali lui a demandé une question bil-aql, bil-fitra. Informe-moi pourquoi, quand on fait dua, وهذا تلاحظ أخي الكريم أن حتى الكفار ميم لي جويف ميم لي كريتيان ميم تو سو كي يؤمنون برب ميم سي سي دي مشركون فسي معروف هذا عند الجميع أن كونت يفون دعاء أو كونت يبارل دو الرب عز وجل يديز كو إلي أون ديريكسيون دو سيال بعضهم يقولون هكذا أما المؤمنون يديز إلي أو دوسو إلي أو دوسو دي دي كرياتور المهم يسونت سيت ce besoin de se diriger vers As-Sama, Jihat al-Ulu. Personne, quand il fait du'a, il ressent le besoin de regarder par terre, ou de se diriger à droite, à gauche. Ça vient d'où, hada? Ça vient de l'fitra. Ça vient de fitratu al-insan. Fa préserve hadihi al-fitra. Kullu mawloud yulad ala al-fitra. Chaque enfant, il est né avec cette fitra. Fa préserve-la. Il y a des choses qui peuvent attaquer, qui peuvent déformer هذه الفطرة. C'est ce genre de شبه. مثلاً, ils prétendent que قوله وهو معكم, ils ont une شبه. C'est quoi? C'est que ça veut dire qu'il est partout. ثم الإنسان يدوت عيدا بالله. Apprend هذه العقيدة بأدلتها وبكلام أئمة السنة بإذن الله عز وجل. Tu seras à la خير. قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته إلى سيدي هذا المثال الطيب pour clarifier, pour t'éclaircir, pour que tu n'aies pas de shubha un exemple avec un makhlouq pourquoi? لأن هنا il veut te montrer أن le fait de dire que Allah il est au-dessus et il est avec nous il n'y a aucune contradiction. Même dans la langue arabe, il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça qu'il a cité l'exemple de la lune, Al-Qamr, pour te montrer أن قديما وحديثا, les gens, ils ont toujours dit, مثلا, أن quand ils voyagent, quand ils marchent, ils disent, نعم, وغير ذلك, on répète son كلام بالنص, أحسن, قال بالقمر آية نعم, إلى آخره, وهو موضوع وغير موضوع أينما كان وهو سبحانه فوق العرش نعم أي أنهم ils sont dans cet endroit où le قمر معنا مثلا on dit on est dans cette ville dans cette contrée et la lune elle est avec nous est-ce que la lune elle est avec toi sur terre comme on a cité hier avec le soleil c'est le même exemple فلا أحد يقول بهذا ça nous montre أن القمر il est dans le ciel et il est معنا il t'accompagne مع أنه entre toi et lui الله أعلم la distance combien de milliers ou de millions de kilomètres فلهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله il a cité cet exemple طيب قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان على الظنون الكاذبة فهذه الصفات أن الله عز وجل إلي أدس أنه إلي معنى أنه استوى على العرش نؤمن بها على الحقيقة pourquoi parce que الله سبحانه وتعالى il a cité ses attributs dans le Coran il les a révélés à son prophète محمد عليه الصلاة والسلام donc نؤمن لكن sans avoir de mauvaises pensées مثلاً sans croire que الله سبحانه وتعالى il est au-dessus et Il est معنا أي dans la créature. فهذا c'est un ظن سيء جدا. C'est une très très mauvaise croyance. قال لا يحتاج إلى التحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. هذا مثال طيب. Ne pas penser que قوله أن الله عز وجل il est معنا وهو معكم أن الله عز وجل il est avec nous والسماء تقله أي كما قال شيخ ابن عثيمين dans son شرح رحمة الله عليه تحمله أي كما يحمل سقف البيت من كان على الظاهر ne pas croire هذا أن الله عز وجل il est في السماء et il a besoin de هذا السماء comme nous on a besoin quand on est au-dessus de مثلا sur une terrasse Et on a besoin de as-saqf. Et le plafond, quand on est au-dessus, il est sous nos pieds, on en a besoin. S'il n'y a pas ce plafond, on tombe. هذا قوله تقله أي تحمله، أو هكذا العرش، هكذا العلماء الست كلمة عند العرش. الله سبحانه وتعالى لا pas besoin du arche، il est au-dessus du arche، il a pas besoin de l'arche. Et هذا pourquoi c'est important، لأن بعض أهل البدع من المحرفة ils ont dit vous dites qu'Allah il est au-dessus du trône، ça veut dire qu'il a besoin du trône. من قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش. Est-ce que ça veut dire qu'il a besoin du arche؟ أبداً، الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut. Allah il est au-dessus du arche. Et c'est le arche qui a besoin d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est une créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin du arche. Le arche, c'est une créature. Et si c'est une créature, il a été créé. Donc à un moment donné, il n'existait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé. فتتعجب ونسأل الله العافية من قول الضلال. قوله أو تضله. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أي تكون فوقه كالسقف على الإنسان. À ne pas croire كذلك, que Allah subhanahu wa ta'ala il est sous le ciel ou sous un ciel et le ciel il est au-dessus de lui. Comme nous maintenant quand tu es chez toi et tu as un plafond au-dessus de toi. هذا أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas dans la créature. Allah subhanahu wa ta'ala il est aliyun. كما يقول أهل العلم بائن عن خلقه. Il ne se mélange pas à sa créature. Pourquoi? Parce que c'est l'azim. Parce que c'est l'akbar. قال رحمه الله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. Donc il a cité deux إجماع ou plusieurs إجماع هنا. نعم. Le premier أن الله سبحانه وتعالى il est فوق. Et كذلك هنا نعم. Le fait de penser qu'Allah سبحانه وتعالى il est dans la créature, هذا c'est complètement faux بالإجماع. Et كذلك قوله وهو معكم نعم. C'est le même que le dernier. Ou il ressemble. أن الله سبحانه وتعالى مختلط بالخلق. Tout ça c'est باطل بالإجماع. قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. Donc شيخ الإسلام رحمه الله il a montré ou il a cité plutôt ce verset pour montrer أن si le كرسي il est aussi vaste que les cieux et la terre, pourquoi penser que Allah سبحانه وتعالى il est dans la créature. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هنا عند الآية قال فكيف يظن ظان أن السماء تظل الله أو تقله فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يظن أحد أبدا هذا الظن الكاذب وهو أن السماء تقله أو تظله. Celui qui comprend ce verset jamais pourra penser ou prétendre ou croire أن الله عز وجل il est dans la créature ou il a besoin du ciel ou il est sous le ciel عيادا بالله. Là, son coursil est aussi vaste que les cieux et la terre. Et le trône, il est encore plus grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône. هذا أولا. ثم قال وقوله أو وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه هل يتصور متصور أن السماء تقله أو تظله؟ لا أحد يتصور ذلك. السماء والأرض les sept cieux et les sept terres c'est des créatures et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère cette créature, ces créatures. Comment dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est dedans? Al-yadam billah. فلهذا قال عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا. تأمل أنت هذه السماء العظيمة qui est au-dessus de nos têtes. Qui c'est qui la retient? ولا تسقط. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de pilier qui la retienne. Il n'y a rien. هكذا un immense ciel au-dessus de nous et لا يسقط. Il ne tombe pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala al-qa'il wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ard. C'est lui azza wa jall qui retient hadhihi as-samaa', ce ciel, hatta il ne tombe pas sur terre. Subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est bi-idni, falihadha qala illa bi-idni. Et azza wa jall il fait ce qu'il veut. Comment prétendre que Allah azza wa jall il est dans cette créature? Ça nous montre fiqh. Hadha al-imam, il a cité donc la mas'ala. Deux sifa, al-ulu wa المعية، ثم إلى سيتي الدليل لو فيرسي دو قران، ثم إلى ديمونتخي أنه يا أوكون كونتراديكسيون، ثم إلى سيتي أن مثال أن إكزومبل أفيك لا لون بور تو كلاريفيي كو ميم أون كرياتور أون أكسبت أن لو سولي أون دي إلى أفيك نو إي أو لا لون إي سيت لون أو سو سولي إيسون دون لو سييل. Donc, il n'y a pas de contradiction. Fait le haqiqa. Thomas, il a cité ces versets. Il a cité des versets, des hujjaj qawiyya pour te montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dans la créature. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarham. Hadihi al-aqida, ya ikhwan, elle est très très importante. Al-aqida tu al-wasatiyya. Limaada, li'anna, vous avez remarqué que le kalam, il est très très simple. Un matn que tu peux apprendre très très vite, il est mukhtasar jiddan. Et il est fondé sur des preuves du Qur'an. Et de la sunna, et هذا المتن سيجمعه السلف. Toutes ces مسائل que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il a cité, c'est la voix des salaf. فتقرا et تطمئن. Certains livres, il y a des choubah de Asha'ira, de Mu'tazila, il y a des interprétations fausses. هذا الكتاب il est safi. Allah subhanahu wa ta'ala وفق هذا الامام, et il a résumé la croyance des salaf. تعلمون ان هذا الامام c'est un imam kabir في السنة. Il a résumé la croyance des salaf dans هذا المتن, هذه العقيدة. C'est pour ça que أهل البدع, à son époque et jusqu'à aujourd'hui, يحاربون هذه العقيدة. Ils mettent en garde contre cette عقيدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل فيها القبول. Et beaucoup de gens, ils ont appris la croyance des salaf en étudiant cette عقيدة. Donne-lui de l'importance. Donne-lui de l'importance. Tu perdras jamais ton temps si tu l'apprends par cœur. Même si tu mets du temps. قليلاً قليلاً. On n'est pas tous pareils dans la mémorisation. Si tu l'apprends en un mois, alhamdulillah. Tu l'apprends en six mois, alhamdulillah. Tu l'apprends un an, tu es fi khair azim. Et un an, ça passe très très vite, très très vite à notre époque. Lakin al-mushkila, c'est si l'année elle passe et on n'a rien appris. Ni le Coran, ni cette aqida, ni des hadiths. Elle est là, le mushkila. Elle est là, la perte de temps. Il y en a ce qui te restera de ton ilm, ce qui te restera l'un de cette aqida et de ces cours qu'on fait ensemble, c'est ce que tu auras appris par cœur. Et si tu as appris par cœur et tu retiens l'explication de Cheikh Saadi ou de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, ça t'estafi jiddan. Amma, une simple explication qui ne se repose pas sur un matn, sur quelque chose de mémorisé, matalan cette aqida, c'est pas profitable comme celui qui apprend par cœur. Bien sûr que, alhamdulillah, celui qui assiste, qui écoute, qui comprend, il profitera, lakin, pas comme celui qui a appris par cœur. Et كذلك, ça restera pas comme celui qui a appris par cœur. ثم قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى صرح المصنف. Pourquoi on a expliqué المتن قليلا avant de lire كلام الشيخ سعدي رحمه الله? لأن الشيخ سعدي, comme on va voir ensemble, il n'a pas expliqué cette partie. كما قال, لأن pour lui c'est clair. Et c'est suffit du matin. Mais il a cité quelques points à qu'on قال صرح المصنف رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل مسألة علو الله واستوائه على عرشه وأن ذلك داخل في الإيمان بالله وذلك لما حصل في هذه المسألة من الاختلاف والمخاصمات الطويلة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في هذه المسألة من الأشعرية ونحوهم. Ça te montre أن beaucoup de gens ils se sont écarés في هذا الباب. Il y a eu un صراع كبير entre أهل الحق السلف أهل السنة et les écarés. Des réfutations dans des livres, des assises. Wardanas, ils ont été éprouvés, emprisonnés, tués pour ce point. Aï al-ulu ou al-ma'iyya. Donc tu dois lui donner de l'importance, akhi al-karim. Wardanas, ils ont passé leur vie sur hada, ils ont sacrifié leur vie pour hadihi al-mas'ala. Qala fa inna mas'alat al-ulu sunnifat fiha al-musannafat al-mustaqilla. وأورد فيها أهل السنة من نصوص الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه أو دفع بعضه وحققوا ذلك بالعقل الصحيح وأن الفطر والعقول معترفة بل مضطرة إلى الإيمان بعلو الله إلا من غيرت فطرته العقائد الباطلة إلا من غيرت فطرته العقائد الباطلة. C'est pour ça que ce point ou cette صفة العلو c'est une de ces fois où il y a le plus de dalil. Al-Imam al-Qayyim rahimahullah, comme c'est mashhour, il a rapporté qu'il y avait plus de 1000 preuves fi al-Qur'an fi sunna ila akhir. Et c'est pour ça que ulama al-sunna lui donne beaucoup d'importance. Et kadhalik, c'est pour ça que si un mubtil min al-mubtilin, il rejette cet attribut, ben, il n'y a aucun doute en où il rejettera l'attribut des mains, du visage, des yeux, etc. Falihada al-ulama ils prennent du temps à expliquer les sifa. Tellement qu'il y a beaucoup de preuves. Et la raison, elle accepte. Contrairement à certains attributs, comme Akulna, si tu n'as pas de dalil, ben, la raison, elle ne peut pas comprendre cela sans dalil. Abadan. Il faut un dalil. الصفات الخبرية الذاتية كما نرى كثيرا أما هذه الصفة تُعَ beaucoup de دليل كذلك الفطرة والعقول السليمة ils comprennent directement. C'est pour ça que certaines personnes ils n'ont pas étudié et ils savent هذا que Allah سبحانه وتعالى il est au-dessus. Donc on doit commencer par هذا. On doit commencer par ce point. أما واحد qui rejette cette صفة ou qui ne la comprend pas et qui a encore du mal ma tu lui cites que des autres attributs comme les mains, comme les doigts, il a arrêté, farubama, il sera pas prêt. C'est pour ça que l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, il a commencé par hadhihi as-sifat. Cet attribut, al-ulu, et kadhalik l'attribut de al-kalam. Ces deux attributs, il y a beaucoup de preuves. Et l'ulama, comme a dit le Cheikh Sadi, rahimahullah, sannafu fi dhalik musannafat. Ils ont écrit des livres. Et parmi ces livres, on peut citer, et on a déjà cité, Kitab al-Ulu de l'imam al-Zahabi, rahimahullah, c'est une référence. C'est un livre qui a été imprimé en deux volumes. Et l'imam al-Zahabi, rahimahullah, il a cité les preuves du Coran, de la Sunna, les paroles des compagnons, des salafs, sur al-Ulu. Et en Allah Azza wa Jal, il est au-dessus. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, il a simplifié ce livre, il l'a haqqaq dans Mukhtasar al-Ulu, qui a été imprimé en un volume. Et c'est une référence. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il a sahah les hadiths. Donc c'est tayyib. Dans Al-Asl, il y a des hadiths faibles. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah, il a résumé, il a cité l'authentique de ce livre. Et il l'a appelé Mukhtasar al-Ulu, de l'imam al-Zahabi. Kadhalik, kitab al-Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah, la plupart du livre, c'est sur cette mas'ala. Et il cite des versets, des hadiths, des paroles des imams, jusqu'à son époque, rahmatullah alayhi. Il commence par les salaf, et hakada, jusqu'à son époque. C'est un kitab nafis, jiddan, pour montrer un ijma' al-salaf, ijma' al-a'imma, a'imma al-sunna, un Allah azza wa jal, il est au-dessus. قال وقد بين المصنف في هذا الموضع الجمع بين الإيمان بعلو الله وإثبات معيته وعلمه المحيط وحقق في كلام واضح مبين بالأمثلة المقربة للمعاني بما لا مزيد عليه. فالشيخ سعدي رحمه الله عليه إلى منطقنا أن كلام الإمام ابن تيمية إلى واضح وهكذا بعض أهل العلم يزون ils ont expliqué, ils ont détaillé. On a lu certaines paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen et on peut lire une dernière parole. Rahmatullah alayhi, il a résumé qalilan. Et on l'a déjà cité, laquelle on la répète. Qala rahimahullah dans son sharh, Cheikh Ibn Uthaymeen. Aïe. عند قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره. قال ووجه الجمع من وجوه ثلاثة أي أن الله عز وجل il est au-dessus et il est معنا il est avec nous et il est au-dessus. قال ووجه الجمع من وجوه ثلاثة أي ça se contredit pas. Il a cité trois points pour te montrer que ça se contredit pas. Le premier, أنه ذكر استواءه على العرش ثم قال وهو معكم أينما كنتم. Donc dans le même verset, dans le même texte, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les deux attributs. أنه إليه دسوه أنه إليه معنا وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان. Ça c'est une règle. Les textes authentiques, ils ne peuvent pas se contredire. هنا c'est le même texte, بل c'est le même verset. ثم استوى على العرش ثم quelques mots après قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم. Donc, on doit être sûr qu'il n'y a pas de contradiction. Et il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que c'est kalamullah. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si ça serait autre que la parole d'Allah Azzawajal, il y aurait beaucoup de contradictions. Les mains d'Ali, l'insan, il se contredit. Il pense une chose aujourd'hui, demain, il pense l'inverse, il a akhri. Mais هذا, c'est kalamullah Azzawajal, donc il n'y a aucune contradiction. فهذا أولا. Et تعلمون أن القرآن ولله الحمد, c'est kalamullah. On n'a pas besoin de vérifier l'authenticité, ce qu'il est sahih, da'if, abadan, c'est kalamullah. Kadhalik, autre chose, tu peux avoir un texte authentique, lakin, il y a ce qu'on appelle un nasikh wal mansukh, comme on a vu dans l'usul. Et huna, i'lam, anna fi babi al-akhbar, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il informe d'une chose, de ce sifat, il n'y a pas d'abrogé abrogeant, abadan. L'abrogé, un nasikh wal mansukh, c'est dans ahkam al-fiqh. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé des choses, summa il les a interdites, ou l'inverse. Pourquoi? Parce que il y a une hikmah azima, il y a une énorme sagesse. Certaines choses, à un moment donné, c'était bien de les faire, summa à un moment donné, il n'y avait plus cette sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit. Hada, c'est ma'rouf. Et on l'a étudié, wallah ilham, dans al-usul, min ilm al-usul. Amma fi hada al-bab al-azim, bab al-akhbar, khasatan fi sifatillah azza wa jal, tu ne peux pas parler de nasikh wa mansukh. Donc il reste quoi? Il reste que l'insan il se soumet. Et s'il n'a pas compris, il tahim nafsa. Falihada qala Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, l'istihal ijtima'ihima idh al-mutanaqidhayn la yajtami'an wa la yartafi'an, fala bud min wujud ahadihima wa intifa' ath-thani, wa law kana hunak tanaqud lazima an yakun awla al-ayyam mukadhiban li akhiriha aw bil'aks. Si on a une contradiction, on aurait été obligé de prendre une partie et rejeter l'autre. Et ça c'est très très grave. Ou une partie, ça serait vrai, l'autre partie, elle serait fausse. Imma, il faut que tu choisisses al-ulu ou al-ma'iyya. Et hada la shak annahu c'est min abtal al-batil. Thumma qa, le deuxième point, al-thani annahu qad yajtami' al-ulu wal-ma'iyya fil makhlouqat. Kama se yadhkur al-muallif fi qawli al-nas, ma zilna nasir wal-qamar ma'ana. Donc, kadhalik, anna al-ulu wal-ma'iyya, Allah il est au-dessus et il est ma'ana, ça se contredit pas. Pourquoi? Parce que même certaines créatures, elles sont au-dessus, مثلاً, la lune, le soleil, et الناس, ils disent Nasir ou Al-Qamar ma'ana. مثلاً, on était dans cet endroit, il y avait la lune ma'ana, où on marchait, et la lune ma'ana. Est-ce que ça veut dire que la lune, elle était avec eux là? La lune, elle est au-dessus, elle est ma'ahoum, il n'y a aucune contradiction, ça se dit dans la langue arabe. ثم قال الثالث لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق. لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق لأن الله ليس كمثله شيء عز وجل. Et ce point il est très très important. Si on suppose, on qadr, on a une contradiction pour nous. Est-ce que ça veut dire que في حق الله عز وجل c'est comme ça? Jamais. لماذا? لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus et il est معنا. Comme on avait vu في صفة النزول. Allah عز وجل il est au-dessus. Et il descend le dernier tiers de la nuit. Et il n'y a aucune contradiction. Est-ce que quand il descend à Azzawajal, il est plus au-dessus? Abadan. Il est toujours au-dessus. لماذا? لأن العلو c'est une sifa dhatiya. والله سبحانه وتعالى قال وهو العلي العظيم. C'est toujours le Ali à chaque moment. Et il descend. Il n'y a aucune contradiction. أما comparé avec le makhlouq, فلا شك أنه سأوفر un باب d'égarement. عيادا بالله. فهذا c'est un كلام مفيد de Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله راجعه dans son شرح عند قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض إلى آخره ثم قال رحمه الله on lit le باب suivant, le point suivant لماذا لأنه c'est lié قال المصنف رحمه الله وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا كذلك من الإيمان بالله عز وجل أن الله عز وجل إلي قريب إلي مجيب إلي قريب إلي مجيب أي قريب إلي بخش مجيب إلي ريبون قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعون إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهذا الحديث تقدم معنا أي الله سبحانه وتعالى il est aussi proche de nous que la monture ou que le cou de notre monture مثلا si واحد il est sur sa monture sur son, au-dessus de son chameau, de son cheval. Là, chacun le cou de sa monture, de sa bête, il va être très proche de lui. Ben, tu peux le toucher, ce cou, il est en face de toi. Ben, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est aqrab. Il est aqrab, subhanahu wa ta'ala. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. Donc Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi huna akkada, il a recité encore une fois pour conclure ce chapitre en Allah azza wa jalla, il est qarib. Qarib subhanah. Et on a ad-dalil huna fa inni qarib. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'ana. Comme dans les autres versets, il est avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Enfin, il n'y a aucune contradiction sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus et il est proche et il est avec nous. قال الشيخ سعدي رحمه الله خصص المصنف رحمه الله هذا البحث بهذين الأمرين وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته ليكون العبد مراقبا لله إذا آمن بقربه إيمانا تاما كثير اللهج بذكره ودعائه منيبا إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. فسي الثمرة إن لا سيتي كثيرا أن هذا سدوى نو بوسي أدغي الله سبحانه وتعالى أكثر إلي أو دسو إلي معنا إي المعية تقدم معنا أنه سأمبليك أن الله عز وجل ينفوه Il nous entend. Il sait tout. Il est qarib. Azzawajal. Ne pense pas que quand tu fais une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te voit pas. Il ne t'entend pas. Là, chacun a hadha l'iman. Hadha l'iman sa yuthmir fi qalbi hadha l'abd un iman azim. Khouf wa raja wa tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce point, on l'a détaillé kathiran. قال ثم ذكر رحمه الله الجمع بين الإيمان بعلو الله وقربه ومعيته لئلا يظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه إذا قيل إنه العلي فوق خلقه كيف يكون معهم وقريبا منهم. On fait attention à ce genre de question. لماذا لأن celui qui réfléchit comme ça qu'il le veuille ou non, il a fait une comparaison. قَاسَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ عَزَّ وَجَلَّ لأن l'être humain, si tu dis il est au-dessus et il est avec nous ou proche, tu peux avoir du mal à comprendre dans certaines situations. Mais à certaines créatures avec la lune, ça se dit. لكن celui qui compare Allah subhanahu wa ta'ala بِخَلْقِهِ il aura toujours هَذِهِ الْإِشْكَالَةِ. Et c'est la cause de l'égarement de tous ceux qui se sont égarés fi hadal bab. Ils ont fait ressembler Allah Azza wa Jal à la créature. Amma ils auraient appliqué qawl Allah Azza wa Jal laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ils auraient accepté ses attributs wa huwa as-sami'ul basir et tous ses attributs subhana et ils auraient cette croyance en Allah il ressemble pas à la créature. Maintenant, ils n'auraient aucun problème, comme As-Salaf, ils n'ont eu aucun problème à croire un Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus et il descend. Un Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus et il est proche. Il est au-dessus et il est avec nous. عندهم, il n'y avait aucun problème. L'imam, leur aqida était basée sur l'istislam ou l'inqiyad, la soumission. Et ils avaient une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils suivaient un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Leur exemple, c'était les compagnons, ils n'ont jamais ouvert cette porte. Cette porte, elle a été ouverte par qui? Par Al-Aqlaniyoun. Ceux qui délaissent les textes et ils font passer la raison. Et le mushkila, on a leur raison. Talawwathat bil-bida', les innovations, la philosophie, ilm al-kalam. Thumma, ils se sont mélangés avec des zanadiqa, des kafara, min yahoud wa nasara, etc. Hatta, ils ont eu ces choubats. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah fa ajaba bima تضمنه هذا الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. النعوت سي الصفات. النعت سي الصفة. Donc Allah سبحانه وتعالى il ressemble pas aux créatures. Ses attributs sont pas comme ceux des créatures. قال ومن نعوته اللازمة العلو المطلق والقرب العام والخاص، وأن القرب والعلو في حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه، فهو العلي في دنوه القريب في علو في علوه. نعم نعم يعني ينظر هنا في الضبط في دنوه وفي علوه، أما هنا يزن إكخي العلو avec des حركات qui sont pas correctes. Cette nusra, il y a beaucoup d'erreurs. Ala kulli hal, donc il y a aucune contradiction entre hadhihi as-sifat ay al-ulu et al-qurb et al-ma'iyya. Qawluhu rahimahullah wa min nu'utihi al-lazima al-ulu. Ay hadha ça montre que al-ulu c'est une sifat dhatiyya, Allah il l'a toujours eu. Donc, il ne peut pas avoir un moment où Allah Azza wa Jal, il n'est pas fil ulu. Et ce n'est pas l'Ali. Ça, ce n'est pas possible. Allah, il a toujours eu cette sifa, il l'aura toujours. C'est une sifa thabita, dhatiya, lazima. Ou al-qurb al-am ou al-khas. Hada taqaddam ma'ana. Anna ba'd al-ulama yaqulun anna al-qurb, il ne peut pas être am ou khas. Al-ma'iyya, na'am. Al-ma'iyya, amma ou khasa. Amma pour tout le monde, Allah, il est... Ma'ana, ça implique qu'il voit tout le monde, il entend tout le monde, etc. Il est ma'al mu'minin, inna Allah ma'al ladina attaqaw wa ladina hum muhsinoun. Inna Allah ma'ana, ila akhirih. Hada, c'est al-ma'iyya al-khassa, et ça implique al-nusr, wa al-ta'yid, wa al-hifd. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve le mu'minin. Il est avec eux et il les préserve, et il leur donne la victoire, etc. Amma al-qurb, fa... بعض العلماء كالشيخ سعدي رحمه الله ils ont dit que كذلك il y a un قرب عام un قرب خاص. Et بعض العلماء ils ont dit on peut pas diviser en عام et خاص. لماذا؟ لأن الله عز وجل il est قريب من المحسنين من المؤمنين من المتقين. Et ça c'est l'avis de l'imam ibn Taymiyyah et de l'imam ibn al-Qayyim et de l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله. المسألة فيها هذا الخلاف الأمر سهل. Et نسيت je ne me rappelle plus où est-ce qu'on a détaillé hada la'allahu na'am fi sharh asma'illah azza wa jalla na'am 'inda ism al-qarib. Cheikh Saadi rahimahullah il avait cité qurb 'am et khas, et on avait lu min kalam Cheikh Al-Uthaymeen dans sharh al-wasitiyya ou dans un autre livre le l'avis de al-imam al-Taymiyyah de l'imam al-Qayyim. Fa celui qui veut plus de détails fa ça sera dans ses durus, ou il revient à Sharh al-Wasitiyya de Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité cette mas'ala. قال وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة فأثبتها ولا تتوقف. فانتبهوا لهذا الكلام. الشيخ سعدي رحمه الله تعالى il a cité un أصل عظيم qui va être utile dans tous les attributs. Belle dans ta aqida. Enfin, on le répète. قال وهذا الأصل ينفعك. أي هذا الأصل أي الإثبات. Que tu acceptes les attributs. ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة فأثبتها ولا تتوقف. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as un attribut du Coran et de la Sunna, أثبته. Surtout, ne le rejette pas. Surtout, ne t'arrête pas en te posant des questions. Pourquoi? Mais comment? Si? Écarte-toi de hada. Si tu as compris, alhamdulillah, tu as compris. Si tu n'as pas compris, lâche que tu dois affirmer, avoir la conviction qu'Allah il a cet attribut, et c'est toi qui ne comprends pas. Et dans ce cas, tu demandes, ou tu fais des recherches, et tu reviens au savant de la sunna. Tu étudies les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les noms d'Allah azza wa jal, tu vas étudier les attributs, il y en a chaque nom, il renferme un attribut, et tu étudies ta aqida. الواسطية الطحاوية التدمورية وهكذا. À chaque fois tu vas étudier des noms. شرح الطحاوية d'Ibn Abi al-Izz il est نافع جدا. C'est un أصل عظيم dans العقيدة. فهذا أولا. قال فإن الذي أثبتها فإن الذي أثبتها الله الذي هو أعلم بنفسه ورسوله الذي هو أعلم الخلق وأورعهم وأنصحهم للمخلوقين. Pourquoi tu ne dois pas t'arrêter à التوقف? C'est le fait de ne pas se prononcer. Yadam billah. Comme ils ont fait le mufawwida. Cet attribut, ils disent, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hada, c'est très très grave. L'imam, celui qui a dit, qui a affirmé qu'il est au-dessus, c'est Allah lui-même. Et kadhalik, c'est son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a'lamun nas billah wa awra'uhum wa ansahuhum, celui qui avait le plus de crainte, celui qui a montré la vérité, alayhi salatu wasalam, il a accepté ses attributs. لماذا لأن بعض الناس ils ont un ورع qui est fondé sur le باطل أنهم ils font passer pour de la piété le fait de ne pas se prononcer في هذا. Et tu dis pas qu'Allah il a des mains. كأنه سمين الورع. Comme quand الأئمة quand ils ont un doute ou ils disent Allahu a'lam. Ça c'est le ورع. Ils craignent Allah, enfin ils ne se prononcent pas, ils disent Allahu a'lam. أما هم ils l'emploient هذا في الصفات. Et bien, les gens, ils pensent que hada c'est min al-wara, c'est la crainte d'Allah. Il ne veut pas parler sans ilm. Ça, c'est de l'égarement. Allah, il a dit la des mains, tu dis la des mains. T'as compris, t'as pas compris. Hada, ça revient au abd. Et l'insan, il demande à Allah al-thabat wa tawfiq, amma, accepter sifa, c'est obligatoire. Fali hada qala, rahimahullah, fa in khatara bi balik tamthilun wa ibti'adun fatafattan li qawlihi laysa ka mithlihi shay. Et ça, c'est une nasiha. Tuktab bima et dhahab. C'est une nasiha qu'on doit apprendre et retenir. Fa in khatra bi balik. Si dans ton cœur, un shaitan, il te fait penser, il te pousse à comparer un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ibti'ad, ibti'ad, tu penses que c'est pas possible. Mathalan, Allah, il est au-dessus, il descend, il est qarib. Rappelle-toi toujours, fatafattan. Et ça, c'est min tawfiqillah. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah Azza wa Jalla le tawfiq, les qawlihi laysa ka mithlihi shay. Là, il suffit d'un instant pour qu'une choubha elle rentre, iyadan billah. Falladhi yatafattan, et hada tafattan, ça vient avec l'ilm. Livre après livre, cours après cours, tu écoutes les dourous des savants, et nos plus grands efforts, ça doit être fi hadhihi l'aqida. L'aqida tout salaf et fi al-tawhid. Donc tu te rappelles, annahu laysa ka mithlihi shay. Et kadhalik, tu te rappelles, annahu Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Si on demande à n'importe quel musulman, est-ce que Allah il est capable de tout, il va nous dire na'am. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est capable d'être au-dessus et de descendre? Fa na'am, il est où le problème? Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune contradiction. Il y a une contradiction pour celui qui compare, na'am. Et cette comparaison, c'est de l'égarement. Il n'y a rien qui lui ressemble. Fa ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas à chercher un comment. Les ils réfléchissent sur certains attributs. Maintenant, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Et il est au-dessus, il essaye de réfléchir pour trouver une solution. Ah voilà, un shaitan. Et il a combattu leur cœur et il leur fait beaucoup de mal. Réfléchis pendant un an, deux ans, pendant même si Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne 10 vies, 100 vies, 1000 vies, tu vis 1000 ans, tu te fatigues. C'est pas possible de connaître le comment. On sait que c'est un ouzoul, Allah il descend, on sait qu'il est au-dessus, on sait qu'il est ma'ana, azza wa jal. Amma al-kayfiyya fa Allahu a'lam. Et tu t'arrêtes là. Et al-ma'iyya wa al-hamd, les salaf nous ont expliqué en muqtadaha, c'est al-ilm, etc. Kama taqaddam ma'ana. Qal wa kadhalika aydan, fa innal kalam ala as-sifat mithlu al-kalam ala adh-dhat. Une autre règle qu'on a vue kathiran et que Cheikh Saadi l'a répété هنا. أن الكلام على الصفات مثل الكلام على الذات. الله سبحانه وتعالى c'est le créateur. Il ne ressemble pas aux créatures. Il est capable de tout, عز وجل. Ses attributs, il ne ressemble pas aux attributs des créatures. Tu as accepté et tu crois que Allah c'est le créateur et il ne ressemble pas aux créatures. فهكذا ses attributs. Et tu t'arrêtes هنا. قال فكما أنه لا نظير له ولا مثيل له في ذاته فكذلك لا مثيل له ولا نظير له في الصفات. Amma, vous avez remarqué que eux, ils yuthbituna al-dhat, ils yu'minuna billah azza wa jal. Tout ma compte, c'est les sifat. Ils font la comparaison avec la créature. Et ils se sont égarés, huna. Amma, nahnu nu'min billah, annahu c'est le Rabb, c'est le Khaliq azza wa jal, et nu'min bil-sifat. Et ses attributs, c'est des attributs d'Allah. C'est pour ça que quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, c'est pas comme quand on dit fulan min al-nas, un être humain, il descend. C'est pas la même chose. Parce que cette sifat, elle revient, cette sifat, cet attribut revient à Allah Azza wa Jal. Et tu t'arrêtes هنا, et t'artais. فهذا كلام مختصر جميل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.